sourire, j'fais de la moula. On avait rien là, on a tout et tu souhaites pas bon courage. Trop rapide, j'ai brûlé le couloir. Fais-moi la poche, j'suis démarqué, fini son coup du foulard. Y'a des bandits, j'les fais trembler comme Gustavo. Ils sont chauds à la mort, la pure arrive de Milano. Moi j'fais la diff, j'suis dans la street, ma mia mort. J'suis en contact avec des gars qui contrôlent tout Nador. Y'a trop de mythomanes qui parlent de sommes colossales. Pour faire du bien, on fait du mal. Les mêmes pour l'or, elles font du sale. Les problèmes au quartier, on les a mis sous zélo. Matin, midi, soir, ça charbonne pour le zéo. Un trou dans la caisse et au fond la déco. Ils ont pris le réseau et tombé sur le déco. On est en fréquentant, qui t'a sur la table. Les comptes pètent un câble, hein, yon, yon, yon. On est infréquentable, qui je t'ai sur la table. Les comptes des bêtes à gamme, aïe aïe aïe. Pourquoi ils nous yotent plutôt qu'est-ce qu'il y a? Nous c'est Bentley, eux c'est qui? Fuck ton psy, fuck ton pauvre, je crois qu'on a besoin d'une bonne recrue. Tacos locos, maman mia, j'ai fait le million, j'rate du milliard. Toujours là pour la famille, y'a du berceau jusqu'au corbière. Au volant de la Lamborghini, les petits sont devenus criminels. Sans les merdes, la garde à vue, y'a marqué you, y'a marqué kill. J'étais déjà John des frères, la chronique, à 15 ans, on était déjà alcoolique. La maternelle à la promenade, toujours pareil avec mes acolytes. T'as vendu 3-4 grammes. Tu joues le son sale Montana Tony. Les petites la mettent dans le crâne. Ils ont pas besoin de connaître l'anatomie. Les problèmes au quartier, on les a mis sous zélo. Matin, midi, soir, ça charbonne pour le zéo. Un trou dans la caisse et au fond la déco. Ils ont pris le réseau et tombé sur le déco. On est en fréquentant, qui t'as sur la table. Les comptes dépètent un câble, aïe aïe aïe aïe. On est infréquentable, qui je t'assure la dame. Les comptes des bêtes à gamme, aïe aïe aïe. Les problèmes au quartier, on les a mis sous zélo. Matin, midi, soir, ça charbonne pour le zéo. Un trou dans la caisse et au fond la déco. Ils ont pris le réseau et tombé sur le déco.